C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. C'est la dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, avant de parler de la controverse des arbitres, encore une fois que c'est vraiment ce qui fait parler d'un série en 2019, je veux te parler de basketball. Pas nécessairement parce que pour des grandes analyses, on l'a fait cette semaine, mais le panier de Kawhi Leonard, est-ce que tu l'as vu en direct et comment tu as trouvé ça? Oui, je l'ai vu en direct. Je manque pas un match des Raptors. J'écoute toutes les matchs des Raptors. OK. Depuis le début des séries, donc je trouve ça spectaculaire. Malheureusement, on a perdu le premier match de la série contre Milwaukee, mais à un certain moment, il menait par 11 points. Mm. Et écoute, il a fondé une grosse formation. Mais ce fameux point-là, ce fameux panier à la dernière seconde, tu sais, t'aurais voulu tourner un film, t'aurais dit voici comment ça va se terminer, puis qui va gagner, de quelle façon, ça aurait été le scénario parfait, là. Mm. On aurait dit ah, c'est un scénario de film, c'est pas dans le vrai jeu, mais c'est arrivé. Et je pense que ça va faire les manchettes pendant toute l'année. C'est un des faits saillants qui va demeurer tout à fait exceptionnel. Et moi, j'ai aimé le commentaire de Laurie après qu'il a dit, c'est ça un superstar. Ouais. C'est la façon qu'il doit, dans les grands moments, sortir le jeu qui doit faire la différence. C'est exactement ce qui s'est produit dans le cas des Raptors, la vedette des Raptors. Et moi, ce que j'ai aimé, il est jamais haut, jamais, jamais bas. Je veux dire, dans la façon qu'il agit sur le terrain. C'est la première fois que je le voyais sourire, moi. Ouais, je veux dire, c'est quoi? Ouais. Lui, il est là avec un but précis, c'est de gagner. Il sait qu'il est important, il sait qu'il doit être le joueur majeur. Il fait le travail, et jusqu'à actuellement, il répond bien aux attentes des partisans des Raptors. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais son dernier panier, c'était quelque chose à voir. Phil, es-tu d'accord avec moi que c'est le genre de match qui peut gagner des nouveaux fans, de nouveaux sports? Tu sais, j'ai comparé ça au circuit d'Jose Bautista en 2015, c'est le bad flip là, que tout le monde, on le voit encore aujourd'hui. Là. Oui. C'est comment c'était spectaculaire. C'était tout un match de basketball et les gens ne s'intéressaient pas aux Raptors. Il faut être mordu pour s'intéresser aux Raptors. Puis il y a eu une des grosses cotes d'écoute. Puis les gens, écoute, comme match là, pour gagner des nouveaux fans, je pense qu'il va en rester de ça. Alors, il est sûr que puis en série éliminatoire, ils ont des bons matchs de foot. Même s'ils ont perdu contre Milwaukee, écoutez, avec 5 minutes à faire, tu ne sais pas qui gagnait. Donc, les gens suivaient à la lettre jusqu'à la fin qu'est-ce qui s'est passé entre les deux formations. C'était la même chose également contre Philadelphie. Écoutez, ça s'est décidé au 7e match. Donc, jusqu'à actuellement, les amateurs de basketball et les amateurs des Raptors sont vraiment gâtés parce qu'ils ont donné toute une performance. Et ce qui est le fun dans cette série-là, c'est que les joueurs vedettes se démarquent. Mm. C'est un peu ce qu'on espère. Et souvent, on voit des séries, ben, tu veux aller voir jouer Crosby, tu veux aller voir les joueurs importants. Malheureusement, ben, ça se termine pas comme ils pensaient. Souvent, exemple au hockey national, ce sont les plombiers qui font la différence parce que le jeu des séries n'est pas le même qu'en saison régulière et on appelle moins de pénalités ou on appelle plus de pénalités. Mais au basketball, il y a une régularité au niveau des infractions, que ce soit avec une seconde à faire, 10 secondes à faire. On applique la réglementation puisqu'actuellement, ben, les amateurs de basketball sont gâtés dans les séries, surtout que les Raptors sont là. Ça nous donne, même si on n'est pas des spécialistes, on connaît pas les joueurs, le fait que c'est Toronto, comme la semaine dernière, j'ai vu les Blue Jays, j'ai vu les deux circuits de Guerrero en direct, c'était émouvant, c'était le fun de voir, puis même si on n'est pas des fans des Blue Jays, qu'on les suit pas régulièrement, ben, des événements comme ça, ben, ça nous marque un peu, parce qu'on aime le sport. Okay. Phil, t'as parlé d'arbitre, t'as parlé de tout ça, la controverse encore, je viens de voir ça en direct, je l'avais pas vu parce que je me couche très tôt, tu sais, je me renseigne souvent par les journaux, par internet, fait que j'ai dit je vais aller le voir comme il faut sur YouTube avant de parler, c'était comme évident là. Moi là, je suis rendu, je regarde le baseball, ils mettent le petit carré tout le temps pour voir si ça passe dans la zone des prises ou pas, ça m'agace, honnêtement, et ça met énormément de pression sur les officiels. Les officiels, ils savent, eux autres, que la caméra est là, ils savent que ils surveillent de près, qu'il y a des reprises sans arrêt, et après, on sort aux multiples ralentis, alors que, en principe, là, l'arbitre, là, il est dans l'action, lui, il y a une seconde, tu lèves le bras pour une vision ou tu le laisses à terre. signales le but ou tu dis non, il est pas bon. Mm. C'est une seconde. Alors que les gars à télévision, les analystes, là, ils vont au super ralenti. Ah oui, le gars, elle touche encore à. L'arbitre, dans l'action du jeu, là, il n'y a pas ça, lui-là, là. Et là, l'effet, ça rejaillit sur la performance officielle. On devient de plus en plus nerveux. On le met de plus en plus de pression. Et ils n'ont plus droit à l'erreur. Est-ce qu'un joueur de hockey, en partant le match, dit, j'ai plus le droit à l'erreur? S'il n'y a pas d'erreur, il n'y aura pas de but, il n'y aura pas de jeu. Donc, ça fait partie du jeu. Moi, je pense qu'on exagère avec les reprises. Et là, malheureusement, on n'a pas parlé du match qui a été tout simplement spectaculaire, 4-4. Ouais. Ils sont revenus de l'arrière, ils perdaient 3-1 et ces choses-là. On parle du but controversé, la passe avec la main, en prolongation. On revient sur la punition de 5 minutes qui n'aurait pas dû être donnée. Sauf que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau cette punition-là, mais qui a vu durant la saison une équipe, durant une punition majeure, donner 3 buts? C'est pas arrivé. 2, Fleury, il n'a pas arrêté une puck ce soir-là. Il a un ballon de plat, puis tout aurait passé. C'est ça que je me trouve malheureux. On met toujours l'emphase sur la décision de l'officiel. On oublie que les joueurs font des erreurs. On oublie qu'il y a eu un beau jeu. On oublie qu'il y a eu un match spectaculaire. On est toujours focusé sur quoi? Tu m'as pas parlé du match, toi. Tu m'as parlé du but controversé. Ouais. Et t'es pas le seul. Tout le monde est comme ça. Mm. C'est comme la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, elle fait toujours plus de bruit que la bonne nouvelle. Mm. Mais moi, je trouve ça plate un peu parce que moi, j'ai arbitré pendant 20 ans. J'en ai commis des erreurs en tant qu'arbitre. Ben oui, qui mais on n'avait pas la reprise. On n'avait pas les reprises télévisées comme aujourd'hui. On vivait, les équipes vivaient, les joueurs vivaient avec des décisions qu'on rendait et on n'en parlait plus. T'sais? Depuis qu'on monte maintenant les reprises à la télévision, on revient toujours avec ça, puis dans l'histoire, puis on revient avec ça. T'sais, moi, je trouve à la longue, ça devient aberrant. Et moi, je sympathise avec les arbitres de la Ligue nationale qui sont sur la loupe sans arrêt. Les juges de ligne, maintenant, c'est rendu la même chose avec les reprises vidéo. T'sais, un mauvais bond sur la bande. Rappelez-vous, il y a 3 ans, Bécomo a perdu en prolongation contre Val-d'Or sur une rondelle qui a frappé une baie vitrée qui est déviée devant en plein centre de la patinoire. Il y avait un joueur de Val-d'Or qui était là, marqué le but en prolongation. C'est terminé là-dessus. Tu veux que je te dise, c'est le hasard, c'est le jeu. C'est comme ça que ça se passe. Mais les erreurs d'arbitre, là, c'est quoi? On revient toujours là-dessus. On remonte la reprise, on finit plus. Moi, je trouve ça un peu plate de ce côté-là. Ben, mais c'est la première fois que je l'entends, celle-là, puis je trouve ça bon comme commentaire. Parce que là, ce qu'on disait, est-ce qu'on devrait mettre un arbitre sur la galerie de presse? Mais, écoute, avant, on était un pour prendre des décisions. Ouais. Maintenant, on est rendu 2 qui prennent des décisions. En plus, on est des bandes vidéo. Puis là, s'il faut ajouter un arbitre en plus en haut, tabarnak, les matchs ne finiront plus, là. Ouais. Et puis, en 2h30, on va jouer ça en 3h15, 3h30. Déjà, on trouve que le spectacle est long. D'ailleurs, le baseball majeur se plaint de ça, que les longueurs de match. Et je pense que ça, c'est un exemple. La Ligue nationale, de plus en plus, qui est reprise. Puis moi, je me dis, il faudrait peut-être mettre un règlement pour dire, si tu veux une reprise, là, ça va te coûter 1-2, si tu te trompes. Un peu comme au football. Quand tu perds, au football, là, la reprise, ils l'ont droit dans la 2 dernières minutes. Après ça, c'est terminé. Tu perds ton temps d'arrêt si jamais... Ouais, c'est ça, tu perds ton temps d'arrêt. Mais, rappelons-nous, il est arrivé encore une controverse cette année parce qu'une décision d'arbitre, il disait qu'à la fin du match, ça a coûté un championnat à une équipe, peut-être une participation un peu plus loin. Donc, c'est toutes ces choses-là. Là, on est rendu, honnêtement, mais strictement... tout sur l'emphase sur les décisions d'officiels et les reprises TV. Ouais, donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Parce que je pense que les arbitres ont déjà été punis pour cette décision-là. Puis ça n'est pas ça. Les deux arbitres, deux arbitres-là, normalement, auraient fait la demi-finale et fait la finale. À cause de ça, décision controverse. On ne veut pas les mettre sous les feux de la rampe. Qu'est-ce qu'on fait? On les a retirés. Les gars ont perdu 20, 25, 30, 40 000 piastres de body. Parce qu'ils sont payés en supplémentaire quand ils font les séries de fin de saison. Oui, effectivement. Phil, il me reste qu'à te remercier encore une fois pour une excellente saison. Évidemment, merci, Danny. Ça prend toujours un plaisir de collaborer avec toi. Oui, et on va recommencer ça à la fin du travail. C'est toujours ça qu'on fait. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle année de golf parce que toi, tu vas jouer au golf à temps plein. J'ai déjà 7 parties de jouer. Les terrains sont-ils beaux au Saguenay? Très beaux. Le terrain de golf à Chicoutimi cette année il n'a jamais été aussi beau depuis 20-25 ans. Okay. Honnêtement, là, ouais. Les verts ont sorti parfait comme au mois de juillet. Le terrain est en très, très, très bonne condition. Les engrais s'améliorent, d'année en année. Hein. Ben, mais pas avec ça non plus. Je pense qu'ils ont utilisé une nouvelle technique cette année, le surintendant de terrain, et ça a donné d'excellents résultats. Ben, tant mieux. C'est comme ça que les gens... Mais je souhaite à tous que les terrains viennent beaux rapidement. Écoutez, l'été n'est pas très long ici, donc il faut profiter au maximum de notre été puis de notre sport qu'on aime bien, le golf. Ouais, Phil, on s'en parle à la fin du travail. Il se passe de quoi, je te rappelle, durant l'été. Voilà, merci, c'est le commentaire de Phil Desgagnés.